Il y a une crise mondiale. D'abord, une crise de l'économie mondiale, comme celle qui existe aujourd'hui, si tu veux. Mais rien n'était prévu pour. On n'avait pas prévu quoi. Tout à coup, là, il y a eu des tas de gens qui ont été liquidés parce que les affaires ne tournaient plus. Il y a eu des chômeurs qui n'étaient pas secourus. Bon, il y a eu une espèce de vague de panique, de révolte. Et au même moment, alors, en plus, pour la lutherie, il s'est trouvé que on a mécanisé pratiquement toute la musique. C'est-à-dire que il y a eu le film parlant, le film sonore, on a liquidé tous les orchestres, et en même temps, les bateaux, puisque nous étions dans un port, les bateaux étaient équipés en musique pour réduire les frais, on supprimait les orchestres, on mettait de la musique enregistrée. Alors ça a bouleversé complètement, on s'est trouvé dans une situation absolument étrange, c'est qu'il n'y avait plus de clients, sauf ceux qui venaient pour qu'on leur achète leur instrument. Alors, bon, devant cette situation, mon patron, il a décidé de changer de métier, d'essayer de liquider son affaire, il n'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'il a choisi comme métier? Alors, c'est-à-dire que là, il fallait qu'il liquide son affaire. Eh oui. Et c'est à ce moment-là que je fais l'arrangement avec son neveu, notre copain Boubous, quoi. Et que on est reparti d'une nouvelle base. Au lieu on a changé notre statut de commerçant contre un statut d'artisan, ce qui nous a diminué beaucoup les impôts, en fait les frais généraux. On a supprimé tous les frais, on a vécu sur le stock et on a fait marcher on a fait rouler comme on pouvait la maison. Voilà comment ça s'est produit, quoi.